CQ, l'association des radiodiffuseurs communautaires du Québec qui regroupe tout ça en un seul endroit. L'appli qui donne accès aux 37 stations de radio communautaires membres de l'ARC ainsi qu'à leur fil de nouvelles couvrant tout le Québec. Dans un paysage médiatique en pleine mutation où la multiplication des sources d'informations ne garantit pas toujours leur qualité, nos stations jouent un rôle crucial. Téléchargez l'appli ARCQ sur Apple et Google Play. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Genix et Climax 80, épisode 19. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler au studio, les amis, pour des demandes spéciales ou nous donner des nouvelles. Et donc, c'est le 88-640-1586. 88-640-1586. Appelez, les amis. N'hésitez pas à nous appeler. De belles choses ce soir. On va avoir pas mal de francophones aussi. On va avoir Julien Clerc ce soir. On va avoir Joe Beaucan. Si c'était pas Joe Beaucan, ce serait... Enfin. On va avoir toutes sortes de belles choses. Enfin, des super chansons. On va se pommer à soir. Restez des nôtres, les amis, parce que ça va être déchirant. L'émission Genix et Climax 80. C'est d'abord un feuilleton radio d'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. C'est le titre de ce bouquin, encore inédit. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis, de minuit à 2h du matin. C'est donc... une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé des plus grands succès de la décennie 80. Genix et Climax 80, un petit synopsis pour les nouveaux venus, ceux qui se joignent à nous pour cet épisode 19. Alors, parce qu'il y a toujours des nouveaux venus, évidemment, sur l'émission Genix et Climax 80. Alors... bonsoir tout le monde. Bonsoir Lana. Bonsoir. On fait un synopsis? Yes. Alors, au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans, le Genix, qui suite... Salut Jean-Sébastien! Jean-Sébastien de l'émission Ton oreille a soif. Il vient de nous quitter, il est parti chez lui. Ah, c'était super, son émission. C'était super, les dernières chansons, là, surtout les amis du Pakistan. On va regarder ça tantôt. Donc voilà, on continue, on finit le synopsis. Alors, au milieu des années 80 dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans, notre Génix, qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Donc, allons-y pour notre récapitulatif qui, comme vous savez, c'est fait depuis un certain temps, depuis la mort de notre ami. On y va avec sa chanson. En fait, c'est notre fantôme d'amour, Ace Frehley. Et donc, on a pris l'habitude de faire notre petit récapitulatif et ça va continuer jusqu'à la fin du mois de novembre pour notre deuil du Spaceman. Précédemment, dans Genix et Climax 80. Alors, on a pu installer notre truc là, depuis le premier épisode jusqu'au 12e, bien tranquillement, en présentant en deux épisodes une excellente préface composée d'une parlotte extraordinaire au sujet des années 80. Donc, voilà, etc. Et à l'épisode 6, on a commencé donc à présenter notre Genix, le show d'Iron Maiden, etc. Le Joe, la bouclée de Sainte-Foy. C'était notre digression préférée qui nous a amené à la bataille de Little Big Horn, où il y avait le General George Armstrong Custer, qui étrangement ressemblait à Dee Snider de Twisted Sisters. Et donc, voilà. On a eu cette récapitulation du parcours de notre Genix dans le Québec des années 70-80. On a pu donc descendre à son premier concert en arrière de la cour chez Tigui Lacombe à Saint-David Beach. Salut Tigui. Pour le show de Kiss. Et on a eu notre spécial de Kiss, nous aussi. Ça nous a mené tout droit à Elvis. Yeah. You know what I'm saying? Et donc voilà, depuis l'épisode 12, on suit pas à pas notre Genix dans sa grande virée noctambule dans le Levy Beach de 1985 et où il recherche sa maman qui était partie, donc à l'épisode 13. Et il avait fini par la retrouver au bout de sa première nuit blanche. Et sa maman était arrivée donc dans le dernier épisode, le matin, alors que notre Genix s'était endormi en laissant de la bave sur le joli paletot vert pomme de sa maman. Et donc c'est là qu'on était rendu. Je pense que on pourrait tout de suite aller à l'épisode, enfin à la séquence 1. Qui, comme d'habitude, est les dernières séquences qu'on avait dites à notre dernière rencontre. C'était dans l'épisode 18. Et donc voilà, on va pouvoir aller à la séquence première de notre soirée. Et ça s'intitule petit garçon gâté à sa maman. Je suis en train d'arriver, donc j'y arrive. Alors, en bon petit garçon gâté à sa maman, je lui ai signifié avec le plus grand sérieux que dans ce cas, moi non plus, je ne retournerai pas à l'école, ni à la maison d'ailleurs. Pas tant qu'elle ne rentrerait pas, elle aussi. Mais malgré tous mes efforts, elle ne perdait rien de sa belle assurance. Pour l'heure, il devait être vers les 11h AM. L'autre sera dîné avec un super cheeseburger de chez le capitaine. Le capitaine, c'était un petit boui-boui qui sentait la frite à 30 km à la ronde sous le vent. Ça se trouvait juste à côté de la traverse de Lévis. J'avais une faim de loup, mais la seule pensée que ce truc excellent transitait par les mains de cet homme me faisait voir ce délicieux sandwich comme une sorte d'émanation, un produit en fait, de leur saloperie de ce week-end. Le chat du Café des Artistes, c'est notre bon Jean-Pierre Ferland National. Quand on ne rit plus, c'est qu'on ne vit plus. Vous écoutez CKRL Radio, le 89.1. Quand j'aurai coupé la ficelle, mettez-moi dans une poubelle. Laissez-moi pesanter un mois et de là, jetez-moi au chat. Qu'il refuse ma rate et mon foie, mais choisissez l'heure pour qu'il me mange le cœur. Que je reste encore avec vous, sur vos épaules et vos genoux. Que je sois, puisqu'il faut qu'on existe, le chat du Café des Artistes. Et si le pain vient à manquer, je serai là, et n'hésitez pas, brisez-moi les pattes et le cou, et puis mangez-moi, à même le chat. Ce ne sera pas la première fois qu'on aura mangé un artiste. Cela me dégoûtait au plus haut point. Cela me donnait la nausée. Décidément non, je ne voulais pas de ce pain-là. De sorte qu'après deux bouchées succulentes, j'eus presque l'envie de vomir. Mon être entier, mon estomac le premier, refusait catégoriquement à ma faim ce plaisir exquis et coupable. Et puis ils m'ont oublié, la la la la. Comme ils ont oublié le chat, comme ils oublieront ma tête et mes chansons. Ce ne sera pas la dernière fois que l'on oubliera un artiste. Quand on aime, on sait qu'on aime. Ma mère trouvait bien étrange que je laisse plus de la moitié de ce sandwich extraordinaire. Sans compter que c'était pourtant mon préféré d'habitude. Tant pis, ce sera pour moi alors, avait-elle dit, engloutissant en deux grosses bouchées tout le reste de cet assemblage génial de la technologie du XXe siècle. Ce vrai cri du cœur de la classe moyenne, cet archétype du rock'n'roll et du vivre à 200 à l'heure, l'une des pierres philosophales de cette société américaine et banlieusarde dont on voyait justement l'apogée. C'était Jean-Pierre Ferland et son énorme chanson qui avait été reprise d'ailleurs par comment s'appelle donc la fille de Gainsbourg là. Voyons, Charlotte. Oui, c'est Charlotte qui l'avait reprise et c'était vraiment elle avait fait une excellente version. Nous ici à Genix et Climax 80, on a décidé de prendre la version de Jean-Pierre parce que c'est notre Jean-Pierre national. On te salue, JP, si tu nous écoutes, de là où tu es. On sait que t'aimes ça. Vas-y, mon JP. Ça nous donne tout de suite l'occasion de aller avec la séquence 2 de notre belle soirée 19, Genix et Climax 80, sur les ondes de CKRL Radio, la nuit, le 89.1, à Québec. Page 153. L'instant d'après, mon cul prenait place sur la banquette arrière du vieux Zéphyr marron un peu écaillé de l'autre, notre fameux homonyme à moustache. Ma mère tenait absolument à aller me reconduire au lycée, mais je continuais à m'obstiner dans mon refus et dans ma grogne. Tout cela commençait à la contrarier légèrement. Je la sentais sur le point de perdre sa bonne humeur, surtout quand j'ai commencé à parler de trouver une chambre à louer, en attendant qu'elle se décide à revenir à la maison. Donc, avant que cette conversation ne tourne vraiment au vinaigre, ainsi qu'à mon désavantage, et cela n'était qu'une question de temps, je leur ai demandé sèchement de me laisser au coin de Saint-Georges Kennedy, une adresse qui allait finir par devenir un jour mon chez-moi pour de bon. À l'époque, jamais je n'aurais pu imaginer une telle chose possible. À ce moment-là, ni ma mère, du reste. Durant tout ce superbe après-midi d'été indien, j'ai parcouru le vieux Lévis, entre Côte du Passage, les Galeries Chagnon et l'église Christ-Roi. Metallica, For Whom the Bell Tolls. Parce que la cloche doit toujours sonner à un moment donné. Et c'est comme ça, comme tout le monde voit midi à sa porte. On écoute For Whom the Bell Tolls de Metallica sur CKRL, le 89.1, à Québec. Ainsi, durant tout ce superbe après-midi d'été indien, j'ai parcouru le vieux Lévis entre la côte du Passage, les galeries Chagnon et l'église Christ-Roi. Je m'étais bien gardé d'appeler mon père pour lui dire ce qui en retournait. J'avais laissé ma mère s'en charger, afin de me mettre sans attendre à la recherche d'une chambre à louer. Une chambre avec le lit et le cendrier fourni, situé rue Kennedy. Là où je finirai le soir même par revenir dormir ma première nuit. Après avoir versé les $120 du loyer pour le premier mois. Comme un grand, j'avais retiré la somme de mon compte personnel à la caisse populaire des jardins des Galeries Chagnon. Oh, j'avais les moyens économiques de la faire suer, maman. Le proprio m'avait demandé comment je comptais pouvoir régler chaque mois, comme il trouvait que j'avais l'air bien jeune. Je m'étais bien gardé de lui révéler que, sous mon cuir et mes faux airs de petit voyou, je n'avais que 14 ans. Je l'embobinais avec le sourire, en plus. Je lui racontais n'importe quoi, exactement comme il avait besoin d'entendre. N'importe quelle salade que j'inventais au pied levé. Je voulais me rapprocher du resto. Oui, oui, c'est ça. Je travaillais à mi-temps pour mon père. Le PFK, sur Côte du Passage, vous connaissez? Ouais, qui ne connaît pas? Bien sûr. Pour augmenter mes économies, tiens. De même que mes heures de travail. Évidemment. Oh, il faut ce qu'il faut, monsieur. Cela me rapprocherait sensiblement de la polyvalente, pas loin de mon lieu de travail, où je bossais souvent après l'école, comme je vous disais, environ 25 heures semaine. $4.50, ouais. Faut ce qu'il faut, monsieur. Le travail, les études, les filles. Ah, ça, on verra. Ça coûte beaucoup trop cher, les filles. Ah oui. Le bonhomme semblait charmé, comme une madame de Tourvel à la fin du mois d'août. Je continuais de lui en mettre plein la tête. Mes parents sont en instance de divorce, vous voyez. Ils passent leur temps à se balancer des assiettes, des casseroles, des noms d'oiseaux à la tête ces temps-ci. Oui, mon cher monsieur, ils font pitié, je trouve. Ils manquent tellement de maturité. Moi, ça m'empêche carrément de me concentrer pour réussir mes études. Et mon diplôme d'études secondaires. C'est très important pour moi, monsieur. Je suis sérieux, moi, monsieur. Oh oui, monsieur. Oh que non, monsieur. J'ai vraiment besoin de cette chambre, monsieur. Il avait l'air de me dire que mon histoire pouvait tenir la route, sans toutefois le dire formellement. L'homme en complet de polyester et à la fausse cravate m'a toisé 2 secondes. Puis il a empoché mon pognon, exactement comme ma mère s'était enfilé le reste de mon cheeseburger. C'est-à-dire comme une grenouille qui gobe une mouche. On écoute Boy George and the Culture Club, Time and the Clock of the Heart. Your head on my shoulder, sing me. Fort de ce coup, l'après-midi était encore jeune. Je décidai donc à nouveau de trouver où se cachait réellement la fautive. Car j'avais bien compris que le logement de la rue Saint-Laurent ne servait que de couverture, en fait, pour pouvoir la donner en tout abandon et en toute quiétude. À l'appartement de l'autre connard moustachu, vous savez. Toute cette gymnastique, alors, pendant sa pseudo-réflexion personnelle qu'elle avait évoquée ce matin pour justifier son éloignement de la maison. Ah, la vilaine. Elle ne perdait rien pour attendre. Encore là, je ne partais pas de zéro. J'avais cru percevoir, toujours durant cette conversation téléphonique de l'avant-veille au matin, un drôle de nom, Barras, qui m'avait interloqué et qui, après avoir vérifié dans le bottin d'une cabine téléphonique, se trouvait bel et bien être celui d'une rue aux limites de Levy Beach avec Lausanne Beach, située juste entre l'hôpital et le cimetière. En demandant un peu à gauche, à droite, j'avais fini par la trouver, cette rue, au bout d'une petite heure de marche. Et juste en tournant dessus, j'avais aperçu, avec soulagement, la Pontiac parisienne, deux portes, rouge vin, que ma mère conduisait, et avec laquelle on avait fait tant de super voyages en famille. Vous avez écouté Boy George Culture Club. On va aller à une publicité et on vous revient dans un instant sur Genix et Climax 80. CKRL. Salut, c'est Christian Lapointe. Je voulais vous inviter à venir voir Euse et Abuse au Théâtre Périscope du 9 au 13 décembre. Avec Alex Dufresne, on s'inspire d'une conférence du philosophe Alain Deneau pour exposer comment le capitalisme use et abuse de l'art et garde les artistes sous pression. On vous propose une performance drôle, imprévisible, où tout peut arriver. Le corps, la parole et même l'économie de marché deviennent matière à création. Use et abuse, une expérience qui va vous bousculer, vous faire réfléchir, pour un public de 18 ans et plus. Un livre audio de la Guignolée des médias, lu par Anne Dorval. Chapitre 1. Il était une fois une mère monoparentale. Soudain, elle n'arrivait plus à payer ses factures. Faim. La faim est si vite arrivée. Plus de 500 000 personnes demandent de l'aide alimentaire chaque mois. Si vous le pouvez, donnez chez Maxi, Provigo, les concessionnaires Nissan ou à guignolée.ca. Laissez-vous emporter par Voyage romantique, le concert annuel de l'Orchestre symphonique des Conservatoires du Québec, présenté le samedi 29 novembre au Palais Montcalm. Sous la direction de Clement Schultz et avec la participation du chœur Les Rhapsodes, plus de 70 jeunes du réseau du Conservatoire seront réunis sur scène pour vous offrir une soirée en compagnie de Borodine, Debussy, Fauré et Tchaïkovski. Un voyage musical à ne pas manquer. Billets en vente dès maintenant sur la billetterie du Palais Montcalm. Et si ce Noël, vous offriez plus qu'un soin de beauté? À la Clinique Equinox, on réinvente la médecine esthétique en douceur avec des soins hautement humains, alliant technologie, bien-être et résultats naturels. Que ce soit pour un facial, un soin du corps ou un moment de détente, nos cartes cadeaux sont offertes avec jusqu'à 25 % de remise tout le mois de décembre. Equinox, l'équilibre entre beauté et bien-être. À Le Bourgneuf et à Beauport, cliniqueequinox.ca. Raif Badawi. Enchaîné. De Magaï Mathiop, enchaîné. De Bernardo Calxol, enchaîné. De Sacha Skocilenko, enchaîné. De Netnara, enchaîné. Amnesty International enchaîne les libérations. Grâce à vos lettres, le jugement de plus de 127 personnes injustement emprisonnées a été renversé. Participez au marathon d'écriture sur amnesty.ca. Parce qu'écrire, ça libère pour vrai. Cette année, offrez des cadeaux de Noël qui ont du sens. Participez à la campagne de financement d'Épilepsie Section Québec en vous procurant un produit de qualité à prix abordable. Chaque vente soutient directement notre mission. Rendez-vous sur la page Facebook d'Épilepsie Section Québec pour tous les détails et ensemble, brisons l'isolement. Faites vite, la campagne se termine le 30 novembre. On est de retour sur Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Et vous êtes sur les ondes de CKRL Radio, le 89,1, la nuit à Québec. Ça va nous donner l'occasion d'écouter une excellente chanson qui, je crois, on n'a pas entendu ça depuis un bail. C'est chanté par une princesse, la princesse de Monaco, Stéphanie. Ça s'intitule Flash. Non, les amis, vous n'êtes pas dans une bulle temporelle. Vous êtes bien sur CKRL Radio, le 89.1, et c'est l'émission Genix et Climax 80. Et la chanson date de 1987. Oh, 1987, ouais. OK. On a anticipé un petit peu avec tes événements, mais ça fait. Ben oui. Yes. Stéphanie, chante-nous ça. Dommage, elle avait quand même... Moi, j'avais un kick pour Stéphanie, dans le temps. Elle était très belle, quand même. Ouais. Moi, je l'aimais. Moi aussi. J'avais essayé, enfin, d'aller à Monaco. Hey, le scoop, c'est qu'ils ont essayé de dire sur les réseaux sociaux que c'est un homme. Je te jure. Voyons. Enfin... Il ne faut pas exagérer, quand même. Mon petit séjour avait été très court, en fait. J'avais pas pu dépasser les portes de la gare parce que les flics de Monaco m'avaient intercepté et m'avaient demandé où est-ce que j'allais. Et donc, comme j'avais aucun engagement officiel, mais je jouais dans les restos, les bars, etc. Mais c'était un petit peu à la va comme je te pousse. Alors, ils m'ont gentiment viré et ils m'ont dit de retourner dans le train. Donc... C'est ce que j'ai fait, tant pis. Je suis retourné à Cannes et j'avais cartonné à Cannes. C'était cool. Enfin, petite séquence nostalgie. We'll be right back. flash de Stéphanie de Monaco, la belle princesse qui ne riait jamais. Enfin, pas à la télévision. Et on va aller à notre séquence 5, à la page 156. Ça s'intitule « La voiture ». La voiture, si familière, encore chaude de sa dernière course, reposait depuis peu sur le parking asphalté, rangée dans l'entrée d'un édifice à logement de 3 étages, assez bien tenu et au revêtement vert pomme, tout comme le paletot de maman sur lequel ma bave de ce matin. Puis, juste à côté de la parisienne, se trouvait l'infâme Zéphyr, marron et caillé, dans lequel j'avais pris place plusieurs heures auparavant, ce matin-là. Cela me semblait déjà si loin, avec toutes mes courses et toutes mes démarches. Sur la fin de l'après-midi, je commençais à ressentir comme une grande fatigue dans les jambes et dans le cœur. Moins 2 degrés sur Québec. Blondie va sûrement nous réchauffer. Heart of Glass sur CKRL Radio 89.1. C'était Blondie, Heart of Glass. Séquence 6, page 157. Sans état d'âme. Sans aucun état d'âme ou de scrupule à déranger les gens ou à quoi que ce soit. J'ai frappé et sonné à toutes les portes, du bas jusqu'en haut de l'immeuble, jusqu'au petit appartement qui abritait ce que ma pudeur de l'époque m'interdisait de nommer, mais que je percevais tout autant comme une brûlure au fer rouge, dont la douleur enfle à mesure que les ombres s'allongent et que le soir s'approche. Can it be now? Des Men at Work qui sont en fait qui ont été les habitués de votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80, présenté sur CKRL Radio le 89.1 tous les vendredis à minuit. Allons-y donc pour notre séquence 7. À la page 157 de notre soirée, la 19e soirée de votre feuilleton préféré, Genix et Climax 80. Et ça s'intitule Le soleil d'automne 85. Le soleil de l'automne 85 s'était depuis quelques moments transformé en un genre d'objet irréel, projetant un crépuscule mystérieux, mélangé à la lumière de la télévision qui jouait en sourdine dans le petit appartement que je découvrais, tout en haut de l'immeuble. Soudain, j'étais confus de me retrouver là, à nouveau complice d'une intimité qui m'écœurait. Ma mère, toujours de cette même attitude sans surprise, teintée d'une sorte d'indifférence ou de lassitude, je n'aurais su dire, m'a introduit dans le petit logis où j'ai traversé le salon, sans saluer l'homme à la moustache grisonnante qui fumait sur le divan. Elle m'a fait passer dans l'autre pièce qui se trouvait être la chambre à coucher, où elle m'a fait asseoir au coin de ce lit dont pas un pli dans l'édredon ne venait déranger la silhouette extra king size, disproportionnellement grande pour la taille de la chambre. Plongée dans une demi-pénombre, on aurait dit un putain de tatami, un sarcophage géant et lisse dans lequel on ensevelissait ma famille ainsi que tout ce que j'avais toujours considéré comme intouchable et sacré. Puis, elle est repartie me chercher un verre de jus d'orange à la cuisine. And maybe if I leave you too late, it's just a feather in the butterfly. It's colder when the fire dies. In all the trouble I'm in, if I lose you now, then what is my life? If I don't wanna go through anything without you, could be a life at all. We didn't make it by chance. And there is someone belonging to someone. And I got no one belonging to me. Caught in a world on the edge of tomorrow is all that a fool can find. And I don't belong in the arms. There must be something we can say, my love, something except goodbye. But what is my life if I don't wanna go through anything without you? Couldn't be alive at all. I could be lying, you are the only one. We didn't make it, yeah. And there is some. On a écouté The Bee Gees et leur excellente chanson Someone to Belong to Someone. C'était un extrait de ce film culte des années 80, Staying Alive, dont on a mis plusieurs morceaux déjà depuis le début de cette aventure de votre feuilleton radio préféré qui fait son chemin dans toute la francophonie. Et donc, on va dès maintenant attendre vos appels au 88 640 1586. Appelez-nous, les amis, pour nous dire enfin ce qui se passe chez vous, pour vous dire si vous aimez la vie dans notre belle ville de Québec City. Et donc, allons tout de suite à la séquence 8, à la page 158, et ça s'intitule « Mon cuir ». J'avais gardé mon cuir que j'avais refusé d'accrocher à l'entrée. Je crevais de chaud avec ça. Et hélas, comme j'aurais voulu trouver la force en moi d'aller renverser cette maudite télé qui télescopait sans désemparer tous ces paquets d'âneries dans la pièce voisine. Un gros tas de sottises. Et lui, ça le faisait pisser de rire. En phase totale, avec tous ces millions de téléspectateurs débiles agglutinés comme des bœufs devant leur poste. Derrière la cloison, j'entendais mon homonyme à moustache rigoler sincèrement, comme un vrai demeuré, tout à fait gentil et inoffensif. Quelqu'un a perdu son chat. Il est gris avec un collier blanc. Enfin, il y a du blanc en dessous. Il est ici, au coin de la 3e avenue et de la 4e rue. Il est juste ici au coin. Il nous regardait. Cœur de rocker, Julien Clerc. On écoute. Affalé sur son sofa, il m'avait semblé très sympathique, à peine juste assez futé dans la vie, pour accepter que le pire gogol, le plus difficile à gérer, le plus sans génie des innocents, le plus trou du cul des cons, eh bien, il voit également midi à sa porte, figurez-vous. Que sa santé soit défaillante mentalement ou en déficit momentané au niveau du corps ou de son âme, l'envie de vomir me reprenait. Tout cela m'affligeait tant que j'en aurais chié sur son lit pour ensuite me foutre tête première par la fenêtre. Pouf ! Terminé ! Basta ! Le plongeon d'un humoriste en mode Buster Keaton. Ah ouais, et

just a jealous guy. Séquence 9 de notre soirée Genix et Climax 80, la 19e édition, le 19e épisode donc, à la page 159. Elle était revenue avec le jus d'orange. Ah, que n'aurais-je donné pour me réveiller dans ma chambre, avec la bonne odeur du tabac qui brûlait au bout de la cigarette king size de maman. Elle papote en chemise de nuit à la cuisine, pendue au téléphone avec son café-cigarette. Café qu'elle prenait très noir et sans sucre. Je l'ai déjà dit, je crois. Maman qui me salue, de ses beaux yeux qui m'accueillaient toujours en pétillant comme des étoiles filantes. On n'avait qu'à faire un vœu pour être exaucé. Maman qui me demande ce qu'il me plairait de manger pour déjeuner. Pour dîner, pour souper. Veux-tu des crêpes? Qu'est-ce que tu veux sur tes toasts? Est-ce que tu reprendras du lait, petit homme? Ah, maman, tu savais beurrer mes toasts comme personne. Cela ne serait pas le cas cette fois. Cela ne serait peut-être même jamais plus le cas. Imaginez la terre comme un jardin d'Éden. Horizon sans frontières, russe ou américaine, où personne ne s'amuse. Pour l'heure, j'étais complètement déshydraté, affamé, exténué d'avoir couru à la recherche de ce jeu qui serait compatible avec cette situation particulièrement tragique à mes yeux de l'époque. J'étais au bord de la crise. Je la sentais monter sans que je ne puisse endiguer ce flot d'émotions contradictoires qui peu à peu me submergeait. Le serpent et la pomme s'inventent un pays qui n'appartient à personne. Repartir à zéro. Ma mère est revenue avec le jus d'orange. J'ai fait juste une petite pause au beau milieu de mon désespoir pour accueillir son offrande. Avec toute la bienveillance du petit gars de la pub de Kool-Aid, assoiffé jusqu'au bout et qui boit toujours tout cul sec. Puis, ragaillardi par cette pleine dose de vitamine C que contenait chaque grand verre, je suis revenu à la charge. Quand comptes-tu rentrer à la maison ? Cet homme, je ne rentrerai plus à la maison. On en a déjà parlé. En tous les cas, pas pour l'instant, répondit-elle, d'un ton inflexible. La belle Joe Bocan. En fait, Joe Bocan, c'était une fille qui s'appelait à la base Joanne Beauchamp. Et donc, j'imagine que si elle s'était appelée Joanne Brochu, ben, ça serait appelé Joe Bocu. Non. Bon, écoutez, il fallait que je la fasse. C'était un inside joke. Et. C'était la belle Joe Bocan. On la salue. Salut, Joanne. Ici, les Joannes ont leur place. Et ils nous autorisent à digresser à l'envie. Et c'est ce qu'on fait, les amis. C'est ce qu'on fait. Parce qu'ici, ce soir, on essaie, encore et encore, avec vous, chers auditeurs, de trouver cet exutoire qui nous permettra peut-être de passer à la séquence prochaine. Sans doute, c'était la séquence 9 qui n'était pas finie. Alors, continuons, les amis, à la page 159. Quand comptes-tu rentrer à la maison ? Dit Tom, je ne rentrerai plus à la maison. On en a déjà parlé. En tous les cas, pas pour l'instant, répondit-elle d'un ton inflexible, implacable. Bien que dans sa voix se glissait subtilement une certaine bienveillance ou tendresse, sans doute à cause du chagrin dont elle me voyait affligée. Tu le sais bien, je te l'ai dit ce matin. Essaie de comprendre. J'ai besoin de prendre quelque temps de réflexion personnelle. C'est là que je me suis battu, comme jamais, pour notre famille, pour notre foyer, pour mon bout de gras à moi. Jacob et l'ange, ils n'auraient pas lutté autant. Moi, j'ai lutté, j'ai refusé d'accepter. Je me battrai jusqu'au bout. Sur la barricade ou sur un tas de fumier s'il le fallait. Je continuerai à me battre et de me battre pour qu'elle revienne chez nous comme avant. Seulement voilà, ma mère était beaucoup plus forte que moi. Elle avait l'âme bien trempée, maman. Elle était invincible à ce moment-là. De plus, elle était résolue et déterminée à faire dorénavant exactement comme elle l'entendait. Tout ce qu'elle pouvait donner, elle l'avait donné, sans rechigner. Et elle s'était très souvent contredit elle-même pour qu'on soit heureux, tous, depuis 14 ans déjà. Elle avait été effectivement une mère aimante, une épouse fidèle. Mais à présent, elle voulait vivre un bout de sa vie en prenant

C'est comme ça qu'on est resté, à bercer en silence, sur un coin du lit, dans la pénombre du soir, déjà tombé pour de bon. Oh, j'avais sangloté encore un bon coup, pour un bon moment. Le goût amer de mes larmes de ce soir-là est venu altérer pour moi la saveur de toute chose pour le restant de mes jours. Non, rien n'aurait plus jamais le même goût dorénavant. D'ailleurs, à l'heure qu'il est aujourd'hui, je crois bien qu'une partie de moi est restée là-bas pour toujours, à bercer doucement sur le coin du lit, dans la pénombre du soir d'octobre. Voilà, c'était Purple Rain, chanté par Prince, cet artiste qu'on appelait Prince. C'est la soirée des princesses et les princes. Ah ben oui. Ben oui, c'est la soirée des princes et des princesses, parce que on s'adresse ici, évidemment, à tous les princes et les princesses de la ville de Québec et des environs. Et même à toutes celles et ceux de la francophonie, les amis. Parce que sur Genix et Climax 80, on expérimente une extraordinaire chose qui ne s'était pas vue depuis des décennies. Et c'est cette expérience du feuilleton radio dont on va présenter dès maintenant le pitch. Et donc, c'est qu'au milieu des années 80, je vous résume l'histoire là, du feuilleton radio. Au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Donc voilà, les amis, l'émission Genix et Climax 80, c'est chaque vendredi à minuit, d'abord un feuilleton radio d'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. Le texte est interprété, bien sûr, par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis, de minuit à 2h du matin. Voilà. Ensuite, on aère tout ça d'une pléiade de tubes des années 80, les amis. Alors, soyez des nôtres tous les vendredis, de minuit à 2h du matin. Et vous ne regretterez pas de vous joindre à nous, comme tous les nouveaux venus. Parce qu'il y a toujours des nouveaux venus sur Genix et Climax 80, depuis le début. Chaque épisode, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Allons-y donc, avec cette dernière séquence de la soirée. Enfin, dernière, on a encore du temps, on dirait. Alors peut-être qu'on continuera, on verra. Peut-être que vous déciderez de nous appeler et de nous manger quelques minutes avec vos commentaires ou des nouvelles de vous. On veut des nouvelles de vous. Appelez-nous, les amis, au 418-640-1586. On attend de vos nouvelles. Appelez dès maintenant. Voilà, les amis. Allons-y, donc, avec notre séquence. La suite de notre 19e épisode. L'épisode du soleil, les amis. C'est l'épisode du soleil, même si c'est la nuit sur CKRL Radio qu'on fait notre petit show. Et dehors, il fait noir. Et le petit chaton est parti. J'espère que quelqu'un l'aura trouvé. En tout cas, c'était au coin de la 3e avenue et 4e rue. Si vous cherchez votre chat qui était gris, avec un genre de collier, enfin la gorge blanche, ben, en tout cas, nous on l'a vu et il est 1h20 et nous sommes là à faire le guet. Au cas où le chat. Était-ce le chat du café des artistes? Je ne sais pas. Enfin. C'est drôle que c'est ce soir. Il est arrivé ce soir, comment ça? Il a attendu la chanson. Peut-être, peut-être. En tout cas, c'est un bon signe et on le salue. On salue le chat. Le chat de la 3e avenue, 4e rue. Le chat gris, hein? Ça, c'est un auto qui a besoin de changer son muffler. On l'a entendu. Alors voilà, donc allons-y avec notre séquence. Notre dernière séquence. Qui va clore le feuilleton radio, mais on aura encore du temps. Tout bien considéré, comme je le disais plus haut, ce départ, aussi inattendu que ruineux pour ma famille et pour mon âme d'enfant, n'avait en rien entravé toutes mes prétentions musicales. Bien au contraire. Maman m'avait toujours encouragé. J'avais eu ma première guitare vers 7 ou 8 ans, ma première électrique vers 10 ou 12 ans. Dommage que je ne sois resté qu'un guitariste rythmique plutôt moyen. Mais c'est tout de même avec cette première guitare électrique que j'ai pu faire mes premières armes dans la compo de genre. Encore que je ne sache plus très bien si on pouvait classer ça dans les riffs métal à la Venom ou bien dans le néo-punk du type DRI. Le morceau n'avait pas vraiment de titre et pas beaucoup de paroles non plus. Puis je n'avais pas encore tout à fait joué. Je ne savais pas encore tout à fait jouer et chanter en même temps. Ricky, mon cousin, assurait la percussion avec son gréement de fortune. Une batterie fabriquée avec des pattes de répétition, des bouts de ficelle, du scotch et une caisse claire légèrement défoncée. On répétait ensemble très souvent après l'école, durant pratiquement tout le début de cette rentrée scolaire, celle de 85. Justement dans les semaines qui avaient précédé ce long week-end fatidique d'octobre, qui fut certainement le point d'orgue de ma vie d'enfant. Le Big Bang, la naissance métaphysique du Genix, le super ado que j'étais très concrètement en train de devenir au cours de ce printemps-été suivant, celui de la Coupe Stanley à Montréal. On me demande souvent si je t'aime vraiment. Ces gens-là ne savent pas que je ne suis. On dédie cette chanson à tous les mamans de tous les Genix qui sont partis. Les mamans, à un moment donné, on n'en a qu'une et elle partira tôt ou tard. Donc, on dédie ce bloc, les deux prochaines chansons, à maman. Vous écoutez CKRL Radio. Le CK, le 89.1 à Québec. C'est Dick Rivers qui nous chante. Elle chante pour nos mamans. Dick Rivers sur CKRL 89.1 à Québec. Tu sais, j'ai bien changé depuis qu'on se connaît. Mon cœur n'est plus à moi. Il n'appartient qu'à toi. Ma vie, je t'ai donné. Tu ne peux me quitter. Et puis je sais déjà qu'un jour tu m'aimeras. Je ne suis plus rien sans toi. Sur un autre avant moi t'as tenu dans ses bras. Moi je veux l'oublier, effacer le passé. Mon cœur tu l'as volé, ma vie je t'ai donné. Attends et tu verras, un jour tu m'aimeras. Je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. CKRL 89.1. Télé-Québec, découvrez Piano Public, la nouvelle compétition animée par Grégory Charles et Viviane Audet. On cherche quelqu'un qui est charismatique, qui va nous raconter une histoire. 48 pianistes amateurs venant de partout au Québec avec une chance unique. La musique m'a sauvé la vie. Avec comme juge invité, Alex Nevsky, Fanny Bloom, Daniel Lavoie, Jean-Michel Blais et Cœur de Pirate. J'ai eu les larmes qui me sont venues à un moment. Qui sera le prochain phénomène du piano? Moi, c'est un double oui. Piano Public, samedi 21h et aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec. Tu te rends au chalet, tu frappes un animal, ton char part plus. Puis, une créature bien spéciale te rend visite. On souhaite ça à personne, sauf à Dominitri et Anna Plume, Dieu donné roi. Parce que là, avec eux, ça fait un ben bon show. Premier acte et Mathilde Eustache présente Des hamsters dans le frigo. Du 18 novembre au 6 décembre. Un spectacle fort en émotion, en musique et en magie. Pour toute information ou pour vous procurer des billets, rendez-vous sur premieracte.ca. Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle. Un livre audio de la Guignolée des médias, lu par Anne Dorval. Chapitre 1. Il était une fois une mère monoparentale. Soudain, elle n'arrivait plus à payer ses factures. Faim. La faim est si vite arrivée. Plus de 500 000 personnes demandent de l'aide alimentaire chaque mois. Si vous le pouvez, donnez chez Maxi, Provigo, les concessionnaires Nissan ou à guignolet.ca. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Laissez-vous emporter par Voyage romantique, le concert annuel de l'Orchestre symphonique des Conservatoires du Québec, présenté le samedi 29 novembre au Palais Montcalm. Sous la direction de Clement Schultz et avec la participation du chœur Les Rhapsodes, plus de 70 jeunes du réseau du Conservatoire seront réunis sur scène pour vous offrir une soirée en compagnie de Borodine, Debussy, Fauré et Tchaïkovski. Un voyage musical à ne pas manquer. Billets en vente dès maintenant sur la billetterie du Palais Montcalm. De retour à votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80. Sur CKRL Radio, le 89.1, la nuit, à Québec. Il est 1h29 et on va écouter une excellente chanson qui est elle aussi un petit peu vintage, mais c'est pas grave, c'est bon. Feel so sorry. Anyone? cause they just don't know. Oh, they don't know what happiness and love can be. They try love, they'll understand. Oh, try to understand. T'es là? Oui. Bon, j'étais enfermé dans... On a fait un petit vidéo, oui. J'étais enfermé dans... Entre les deux portes. Excusez-moi, mon erreur. Donc, voilà. On a fini avec le feuilleton radio et on va continuer en musique. On a reçu un appel aussi et donc on va maintenant on est en train de parler. La personne ne veut pas parler en ondes, mais c'est pas grave. On va lui prendre sa demande spéciale et on va la dédier à la personne qui veut. Et donc, mais ça sera pas la chanson qui vient, ça sera la prochaine. Donc là, on va y aller avec Jeanne Masse. Une excellente chanson des années 80. Johnny, Johnny, sur CKRL Radio. Le 89.1, à Québec.

on le salue. Je suis sûr qu'il est d'accord avec notre exercice de ce soir. Et c'est pour ça qu'on met sa chanson. Never Tears Us Apart, In Excess, sur CKRL Radio 89.1 à Québec. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. De retour. Coucou. Voilà. Alors, on est en ligne avec un auditeur et on essaie de le convaincre pour passer en onde. Les gens, ils sont gênés. C'est ça le problème. Soyez pas gênés, les amis. Appelez au 88-640-1586. 640-1586 dans le code 418. Appelez pour nous dire ce qui se passe dans votre tête, ou nous donner peut-être les numéros du prochain Maxi Lotto. Peut-être. On écoute. It's a Heartache. Bonnie Tyler. That's right. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love him till your arms break, then he lets you die. It ain't right with love to share. C'était Bonnie Tyler, It's a Heartache. Maintenant, ça va être la séquence années 80. C'est le show qui est construit comme ça, évidemment. Mais là, c'est une chanson particulièrement culte, mais qu'on n'a pas entendue depuis des lustres, enfin, en ce qui me concerne. Christopher Cross, Sailing. Et c'est sur CKRL Radio, le 89.1, à Québec. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. It's not far to Never Never Land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Right, you can sail away. C'était Sailing de Christopher Cross. Il reste encore quelques minutes. Donc, Lana avait un appel. Ben oui, j'ai un appel d'une amie qui m'a dit que j'ai choqué la semaine dernière. Parce qu'on a dit qu'on ira au pub Quartier du Lune à Limoilou et finalement, je me sentais pas vraiment la semaine dernière, mais ce soir, oui. Donc, si cette amie et les autres amis, ils se sentent de venir. Bien sûr, alors on invite les gens à venir au Quartier de Lune pour faire un peu de karaoké avec notre ami Stéphane Morin, l'as des as du karaoké à Québec. Et il est ce soir, jeudi, au Quartier de Lune, sur la 3e avenue. Donc, on invite tous les gens. Nous autres, on va aller chanter une petite chanson de Elvis Presley, yeah. Mais en attendant, on va aller avec notre hymne de la fin. Parce que toute chose, toute bonne chose a une fin, les amis. C'est comme ça, c'est la vie. Et faut pas se demander trop. Faut seulement faire de son mieux. Et parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est tout pour ce soir, les amis, en ce qui concerne votre feuilleton radio préféré. Genix et Climax 80, c'était l'épisode 19, l'épisode Crève-Cœur. On vous invite la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, l'épisode 20. Yep. Bah, tu es là? Moi, oui. Toi? Bon. Moi? Sinon, je vais lire. Ouais. Non, je vais être là. Je vais être là. Et on invite aussi les membres de CKRL. C'est l'Assemblée générale. Le 24, c'est lundi. Et on invite aussi les autres gens, les auditeurs. Si vous souhaitez participer à l'Assemblée générale, ben, il faut seulement... être le membre. Voilà, il faut procurer votre carte de membre. Donc, vous contactez... CKRL Radio, où vous vous présentez lundi. Lundi, je ne suis pas là, par contre. 19h, oui, c'est ça. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour ce soir. C'était l'épisode 19 de Genix et Climax 80. On vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL Radio. Et voilà, bonne nuit. Bon rêve. Pas de puce. Faites des beaux dodo. Et pas de puce, pas de punaise. Puce, pas de punaise. Bonne soirée, les amis. Bonne nuit. Ciao, ciao. Hey, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux, compte X. Donc, vous allez sur X et c'est en fait Genix. Le compte, c'est Genix et Climax 80. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Là, c'est une page Facebook, c'est ma page artiste. Donc, c'est Monsieur Florian. Vous mettez les lettres capitales. Donc, voilà. Bonne nuit et bon rêve. Pas de punaise! À la recherche d'une sortie culturelle? Envie de découverte en famille, en amoureux ou entre amis? Découvrez l'offre culturelle de votre région en un seul clic. Visitez ose.media et laissez-vous inspirer pour votre prochaine sortie. Du théâtre à la danse, en passant par la musique et les arts visuels. Ose.media est votre porte d'entrée vers la culture d'ici. Découvrez, vibrez, osez. Vous vous faites des idées sur tout et n'importe quoi parce que vous cherchez désespérément un semblant de contrôle. En quête de pouvoir, savez-vous de quelle manière l'industrie culturelle use et abuse de l'art?